Le consul de Montauban, tradition populaire, par Marie Lafont. Vers la mi-novembre, et à l'entrée de la nuit, un cavalier couvert de boue et se traînant péniblement dans une espèce de tranchée inondée par les pluies, arriva au village de Faux. Son premier soin fut de chercher des yeux une maison qui peut le recevoir, lui et sa monture haletante de fatigue. Mais n'apercevant que trois ou quatre masures à moitié démantelées, il s'adressa à un vieillard que le bruit du cheval avait attiré sur sa porte, et lui demanda si Montauban était encore bien éloigné. « Vous ne pouvez pas y arriver avant 2 heures, » répondit celui-ci, « car le chemin est mauvais et malaisé par le temps qu'il fait. » « Mais, » dit le cavalier, en regardant avec terreur la campagne qu'obscurcissait comme de concert la pluie et la nuit, « n'y a-t-il pas ici une hôtellerie ou taverne en laquelle on puisse se retirer pour son argent ?»« Non, messire, le pays est trop pauvre. » « Au diable, les guisards qui se ruinent !» « Mais par Coligny, je ne puis rester dehors à 7 heures. Il faut que tu me trouves couvert et gîte pour ce soir. Ici, nous n'avons qu'un homme qui puisse vous loger, s'il le veut. Comment s'il le veut, ventre Saint-Gris, je me battrai avec le diable. C'est que s'il n'y aurait... Oh là, vite, mène-moi chez lui. » Ce commandement étant fait d'un ton à ne pas admettre de réplique, le vieillard obéit, et au bout de quelques instants, l'étranger s'arrêtait devant une maison dont l'apparence, bien que modeste, annonçait l'aisance. Jeter l'écu de Bordeaux à son guide, mettre lui-même son cheval à l'écurie et pousser la porte fut l'affaire d'un moment pour lui. Il entre sans façon, tombe dans une chambre où brillait un feu éclatant, et après s'être établi au beau milieu de la cheminée, dit à une jeune femme tout ébahie de sa présence « Ne vous dérangez pas, ma gentille commère, et continuez les préparatifs de votre souper. Je suis un des officiers du roi de Navarre, qui, m'étant égaré aujourd'hui à la chasse, vient vous demander l'hospitalité. » La jeune femme, qui ainsi que son hôte l'avait bien remarqué déjà, était charmante, exprimait tout en rougissant quelques doutes sur les intentions de son mari lorsque la porte s'ouvrit brusquement et le maître de séance parut. C'était un homme de 45 ans à peu près et assez grand. Sa physionomie fortement empreinte d'un caractère de franchise et d'intelligence, rare dans la classe alors si humiliée des paysans, frappa l'officier. Quand il eut aperçu celui-ci, il s'arrêta avec un mouvement de surprise qui n'était peut-être pas exempt de mécontentement, et après avoir écouté la rapide explication de sa femme, il dit en posant son arquebuse « Allons, allons, très bien. Je sors ce matin, maître, de mon logis, comme il convient, et en rentrant, je trouve ma place occupée, mon fauteuil pris et ma table mise pour un autre. Dites donc, l'ami, je ne refuse pas mon toit, car par ce temps, je ne chasserai point un collecteur. Mais si vous pourriez me laisser voir le feu... « Je vous serai obligé, vraiment. »« C'est trop juste, » reprit l'officier, « surtout si vous êtes aussi trempé que moi. »« Mais, en effet, vous avez eu de l'eau ?» observa Signoret. « Femme, du linge, des habits pour deux. Nous sommes à peu près de la même taille, et voyez-vous, l'habit blanc d'un paysan bien sec vaut mieux encore que le plus beau pourpoint mouillé. »« Je le crois bien, ventre Saint-Gris. J'étais ici comme dans un étang, et vous avez eu tort de ne pas parler plus tôt. » Ils changèrent de vêtements auprès du feu, et quand le prétendu officier du roi de Navarre eut endossé la culotte de tyrtaine, les gamages de cuir, la grande veste de Signoret, et accepté son chapeau à large bord des dimanches, il n'y eut plus de ligne de démarcation entre ces deux hommes. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis 20 ans, quand ils se mirent à table. Le souper était bon, outre le pot bouillant placé au milieu, et d'où s'élevait par tourbillon une fumée succulente. Il y avait là le foie de canard national et la cuisse d'oie, le plat de salé et l'omelette à l'oseille, de plus un morceau de venaison qui, bien que soigneusement couvert, se trahissait par son parfum. Aussi, notre officier et Signoret, également affamés l'un et l'autre, attaquèrent-ils le repas avec vigueur et furent-ils longtemps sans souffler mot. Mais dès que la grosse faim fit place à la soif et qu'il n'y eut plus sur la table que le morceau de venaison, Signoret, respirant bruyamment, tendit à son hôte un verre à moitié plein de pimprenelle pour que le vin vieux qu'il contenait eût un goût plus exquis, et buvant à sa santé. « Eh bien, l'ami, s'écria-t-il, comment vous trouvez-vous maintenant ?»« Par la belle Baïse, aussi bien qu'un homme puisse être. » »« Et de ceci, qu'en pensez-vous » continua Signoret en indiquant de l'œil la venaison. « Mais, ventre Saint-Gris, je pense que ce ne sera pas mauvais. »« Ce n'est pas ce que je demande. Vous avez dit que vous étiez chasseur. Connaissez-vous ce gibier-là » ?»« C'est du sanglier. J'en parierai mes aiguillettes. » « Et vous gagneriez, brave homme, un sanglier superbe que j'ai abattu ici près, hier au soir. » Voilà pourquoi nous n'avons rien trouvé aujourd'hui. Mais vous êtes hardi, maître Signoret. Aimeriez-vous mieux qu'il courût les fourrés ? Je ne dis pas cela, répliqua l'officier, mais chasser dans votre condition, c'est chose dangereuse. Bon, nous ne sommes pas ici sur les terres du roi de Navarre, qui fait prendre un homme pour une perdrix. La banlieue de Montauban est libre, après tout, et c'est bien le diable, si un bon paysan qui ne cherche mal à personne ne peut pas tuer de temps en temps un sanglier dans ses bois. Au reste, goûtez-moi ce vin. Bravo, Signoret. C'est mieux conclure que Pibrac. Revenons-y. Tant ils y vinrent, une bouteille toujours meilleure succédant à l'autre, que leurs cerveaux s'échauffèrent, et alors Signoret, qui en cet état tutoyait tout le monde, ramena la conversation sur le roi de Navarre. « C'est une honte, criait-il à pleine fête, une honte indigne d'un chrétien, que de défendre au pauvre monde de prendre un peu de gibier que Dieu lui envoie et qui ravage tous nos champs. « Signoret, repartit l'officier, bon, vous oubliez, mon ami, tais-toi, si tu veux que nous vivions en paix, par exemple. « Ceci est fort, répondit l'autre en riant aux éclats. « Je ne pourrais pas défendre le Béarnais, moi. « Non. « Et que lui reproches-tu, de tenir à ses droits ?»« Je lui reproche tout. C'est un joueur, un débauché. Il court après toutes les femmes. Et à ce propos, toi, l'ami, ne regarde pas ainsi la mienne si tu veux coucher sous ce toit. « Brisons-la, maître Signoret. Je n'aime pas entendre dire du mal du roi de Navarre, et pour cause. « Tu es à son service ?»« Oui, dit l'officier. « Je ne le quitte presque point. »« Ah hein. Et quel est ton emploi dans sa maison ?» reprit Signoret en lui versant en pleurasade. « Je suis son premier écuyer. » Signoret regarda le pourpoint et le haut de chose de peau de buffle qui séchait au coin du feu, et les voyant déchirés et troués en plus d'un endroit, il secoua la tête. « Tiens, dit-il, bois ce verre, et parle sans mentir. Qui es-tu ? » « Signoret, mon brave, je ne veux pas te tromper. Je suis le plus puissant de ces courtisans. » « On prétend que le vin rend véridique, » répliqua celui-ci en remplissant de nouveau son verre et tenant toujours les yeux attachés sur les habits. « Dis-moi qui tu es réellement. Tu le veux ? Eh bien, Signoret, mon ami, je suis le roi de Navarre lui-même. » « Pam, s'écria Signoret, ôte ces bouteilles, et toi, mon pauvre homme, va dormir. Si tu prenais encore un verre, tu serais le juif errant ou le drac. Bon sommeil !» Le cavalier eut beau protester qu'il était Henri, et qu'il venait de tracer sous Montauban le plan d'une nouvelle ville. À chacune de ces affirmations, Signoret éclatait de rire en le poussant vers la chambre qu'on lui avait préparée, ou même, pour plus de sûreté, il l'enferma. Le lendemain, il ne voulut le laisser partir qu'après un copieux déjeuner, et après lui avoir montré, avec son orgueil de propriétaire, ses champs, ses vignes et une partie de ses bois. Celui-ci, qui ne paraissait plus se souvenir de l'orgie de la veille, lui dit en lui serrant cordialement la main, et reportant ses regards sur les planchers enfumés de cette maison où il avait trouvé un accueil si franc et un sommeil si calme. « Adieu, Signoret. Je te remercie de l'hospitalité que tu m'as donnée. Comme tu le vois, je l'avoue sans rougir, je suis pauvre à présent et hors d'état de te prouver ma reconnaissance. Mais j'ai un parent dans le Nord qui me laissera peut-être un jour un noble et bel héritage. Et alors, je me souviendrai de toi. Si du reste, le Béarnais ne devient jamais roi de France, « viens au Louvre et demande Henri le chasseur, tu seras content. » Des années passèrent sur cette visite, et Signoret avait complètement oublié son hôte lorsqu'un beau jour, le petit grain d'ambition qui existe dans toutes les têtes des enfants d'Adam se développa dans la sienne. Il voulut être consul, consul de Montauban, et brigua les suffrages de la gage des campagnes. Malheureusement pour ses projets, les bourgeois de Montauban ne pensèrent pas devoir permettre que le chaperon rouge et noir tomba sur l'épaule d'un paysan, et grâce à leur cabale, Signoret fut écarté. Cet échec lui remit en mémoire l'officier du roi de Navarre, et comme les caps de Béarn avaient triomphé depuis et que les Gascons occupaient le Louvre, Signoret en conclut que nécessairement son hôte devait être quelque chose et pouvait l'aider à tirer vengeance des capitouls montalbanais. Il prit donc quelques écus dans sa ceinture, chaussa ses gamaches de cuir et gagna Paris. Là, il fut d'abord un peu embarrassé pour trouver son homme. Mais à force de rôder autour du Louvre et de demander à tous les gardes, Henri le chasseur, il finit par rencontrer un vieillard qui l'écouta avec attention et lui dit d'attendre. Effectivement, peu de temps après, un page en pourpoint de satin bleu, sur lequel tombait à profusion le magnifique point de Venise, ôtant malicieusement sa toque à plumes blanches, vint chercher ce paysan et lui faisant traverser les somptueuses allées du Louvre, pleines de dames, de seigneurs et de vieux capitaines huguenots, encore à moitié armés, il le conduisit à la porte d'un cabinet et se retira en lui recommandant le silence. Signoret était confondu. Tout ce luxe princier, toutes les splendeurs de cette habitation royale qu'il venait de traverser, miroitaient dans son imagination éblouie, et il en était à se demander sérieusement s'il faisait un rêve lorsqu'il vit entrer celui qu'il cherchait. Il était bien changé, et quoique très simplement mis, avait un air d'autorité imposante qui aurait rendu tout interdit Signoret si, pour le rassurer, il ne lui avait tendu la main en souriant. Cette marque d'amitié lui redonna un peu de cœur. Il mit son chapeau et félicita son ami sur son changement de fortune. « Ah, je suis mieux logé que toi, » lui répondit-on. « Oui, certes, il n'y a pas ici de chambre qui ne vaille tout le faux. Eh bien, tu n'as encore rien vu. Tiens, Signoret, regarde-moi cette belle rivière de Seine avec son pont neuf, sa tour de Nesle, son beau pré au clair, ses îles toutes verdoyantes. C'est comme notre Tarn de Corbarieux à Montauban. Vois ce château des Tuileries, ces flèches aiguës du vieux Saint-Germain, ces tours là-bas qui s'élèvent au fond de la cité triangulaire comme les mâts du vaisseau de Paris. Vois cette immense multitude de maisons que l'œil ne peut plus embrasser. Tout cela vaut bien les champs, les bois, les vignes vigoureuses que tu me montras avant mon départ. Eh bien, ventre Saint-Gris, tout cela est au pourpoint troué, tout cela est à moi, Signoret. Ah, grand Dieu, qui êtes-vous donc? Henri IV. Signoret tomba à genoux sans parole, et lorsqu'il put s'exprimer, vous l'auriez entendu balbutier les excuses les plus incohérentes. Il se croyait coupable de lèse-majesté pour en avoir agi si familièrement avec le roi. Henri IV s'amusa quelque temps de son embarras, puis avec son accent vibrant et populaire, « Pardieu ! » s'écria-t-il. « Signoret, tu es devenu bien timide depuis que nous nous sommes vus. Est-ce parce que je suis riche aussi ? Parle, ventre Saint-Gris, tu ne m'as pas encore appris le sujet de ton voyage. » Signoret se leva lentement et, s'appuyant sur son bâton, expliqua, non sans hésitation, pourquoi il avait quitté les collines du Faux. « Ah, ces gros seigneurs de Montauban ne veulent pas qu'un paysan soit des leurs. Attends, attends. » Henri IV prit une plume et dressa promptement une lettre pour le sénéchal, puis, regardant Signoret, « Pendant que j'y suis, demande ce que tu voudras, mon ami. Sire, reprit Signoret tout à fait rassuré, gardez les grâces à ceux qui en ont besoin pour vous aimer. » « Bien dit, ventre Saint-Gris, mais par la cour de France, tu ne sortiras pas ainsi du Louvre. Veux-tu être noble ? Non, sire. Veux-tu la taille du faux ? Non. Au diable tes refus, il faut pourtant que tu acceptes quelque chose. Eh bien, puisque vous voulez me favoriser à toute force, je vais vous faire trois demandes. Je te les accorde d'avance. D'abord, octroyez-moi la permission de vendanger quand bon me semblera. Si tous mes courtisans étaient comme toi, il ne me ruinerait par Dieu pas. Et après ? Après, sire, dit-il tout bas, mettez sur ce papier que lorsque les sanglions viendront fouler l'herbe de Signoret, il aura le droit d'en tirer un par-ci par-là sans se faire pendre. Henri IV écrivit en souriant. Et troisièmement, sire, ajoutez-y, en vous signant, que vous m'avez appelé votre ami. Je serai plus fier de ce titre que de la noblesse, de la taille du faux et de tout ce que vous m'avez montré à ce balcon. Ventre Saint-Gris ! S'écria le roi, ému jusqu'aux larmes. « Signoret, tu es le seul homme que j'ai trouvé dans ce palais. Adieu, mon ami, car tu l'es véritablement de fait et de cœur. Adieu !» Signoret prit la main qu'Henri IV avançait, la serra cordialement, puis passant la main sur ses yeux et déboutonnant trois boutons de son estomac, il traversa le Louvre, aussi libre d'esprit et aussi fier que dans sa maison, et repartit pour le Faux. En passant à Montauban, il avait fait tenir au sénéchal la lettre d'Henri IV. Trois jours après, le pays fut mis en émoi par une cavalcade inusitée et solennelle. C'était monsieur le sénéchal à la tête de 5 consuls, majestueusement vêtu d'une robe longue à manches fort larges et mi-partie de rouge et de noir, lequel, suivi de 6 argents en manteau rouge et portant la baguette bleue parsemée de fleurs de lys d'or et d'une foule de peuple, venait, au son des fifres et des trompettes, chercher Signoret pour le conduire à l'hôtel de ville. Henri IV avait tenu parole, son ami était consul de Montauban. Ainsi s'achève le consul de Montauban par Marie Lafont.